الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Continue lecture et les quelques commentaires sur le livre Taysir al-Allam, شرح عمدة الأحكام de l'imam عبد الغني المقدسي رحمه الله et une explication du Sheikh عبد الله البسام رحمه الله تعالى. La semaine dernière on avait expliqué, on avait entamé le chapitre de Salatul Eidayn, des prières des deux fêtes. On avait expliqué trois hadiths, le hadith de Abdullah ibn Umar, le hadith de Al-Bara ibn Azib et le hadith de Jundub ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu anhum ajma'in. Naam, deux hadiths? Naam, sahih. On n'avait pas fait le hadith de Jundub, sahih. Taïb, qui se propose pour le hadith de Abdullah ibn Umar? Toutes les mains doivent se lever normalement. Tadal Amin. Wa Umara. Yusalluna. قبل الخطبة أحسنت. كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. رواه البخاري ومسلم. أحسنت. حديث البراء بن عازب كي se propose. حديث البراء بن عازب. تفضل. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما. بن عازب. رضي الله عنهما. قال خطبنا رسول الله خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى فقال من صلى صلاتنا بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك بعد الصلاة قبل الصلاة فلا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب يا رسول الله إني ذبحت شاتي وعرفت أن اليوم متى ذبحها؟ إني ذبحت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم نحر يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغذيت وأتيت الصلاة قبل أن آتي الصلاة قال شاتك شات له قال يا رسول الله إن عندنا عناقة يا حب إلي من شاتين فهل تجزي عني؟ قال نعم ولم تجزي لأحد بعدك. أحسنت بارك الله فيك. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. رواه البخاري ومسلم. Selon Jundub ibn Abdullah al-Bajari radiyallahu anhuma, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié le jour du sacrifice, puis a exhorté, puis a sacrifié. Et il a dit, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui sacrifie avant d'avoir prié, qu'il sacrifie une autre bête à la place. Et celui qui n'a pas sacrifié, qu'il sacrifie au nom d'Allah. Rawah al-Bukhari wa Muslim. Al-Gharib. Al-Bajali, بفتح الباء والجيم منسوب إلى قبيلته بجيلة. ثانيا فليذبح بسم الله أي قائلا بسم الله بدليل رواية فليذبح على اسم الله. البجلي qui fait référence à la tribu de Bajilah. Donc, Jundub ibn Abdillah, radiyallahu anhu, fait partie de la tribu de Bajilah. Pour cela qu'il est appelé Al-Bajali. Faliyadbah bismillah, qu'il sacrifie par le nom d'Allah, c'est-à-dire en disant bismillah. Et la preuve est l'autre version qui dit, et qu'il sacrifie sur le nom d'Allah. Al-Ma'na al-Ijmali. ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالصلاة ثم ثنى بالخطبة ثم ثلث بالذبح وقال مبينا لهم من ذبح قبل أن يصلي فإن ذبيحته لم تجزئ فليذبح مكانها أخرى ومن لم يذبح فليذبح بسم الله مما دل على مشروعية هذا الترتيب الذي لا يجزئ غيره وهذا الحديث أظهر وأدل من الأحاديث التي من الحديث الذي قبله باعتبار دخول وقت الذبح بانتهاء صلاة العيد لا بوقت الصلاة كما هو مذهب الشافعي ولا بنحر الإمام كما هو مذهب مالك وإنما بانتهاء الصلاة كما هو مذهب الحنفية والحنابلة كما أن الحديث يدل على مشروعية ذكر اسم الله عند الذبح ومعنى الحديث تقدم. Le sens général du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé le jour du sacrifice, le jour de Eid al-Adha par la prière. Puis, il l'a suivi du discours, puis il l'a suivi du sacrifice. Donc premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé par la prière. Deuxièmement, il a fait la khutbah, le prêche. Et troisièmement, il a sacrifié la bête, sa bête sallallahu alayhi wa sallam. Et il s'est adressé à ses compagnons radiyallahu anhum en leur disant, celui qui a sacrifié sa bête avant la prière, eh bien, sa bête ne lui suffit pas. Elle n'est pas considérée comme une udhiyah. Et il doit sacrifier une autre bête à la place. Et celui qui n'a pas encore sacrifié, alors qu'il sacrifie au nom d'Allah. Et ceci prouve que ce qui est légiféré est cet ordre qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout autre ordre n'est pas comptabilisé. L'ordre qui est d'abord la prière, ensuite la khutbah, ensuite le sacrifice. Et ce hadith a une preuve ou montre de façon plus apparente que le hadith précédent. Quant au moment dans lequel l'on sacrifie après la prière de l'Eid, après la prière de l'Eid, la biwakti as-salah et non pas une fois que l'heure de la prière est dépassé, comme c'est l'avis de al-madhhab al-shafi'i, ou que le sacrifice, l'heure du sacrifice commence lorsque l'imam a sacrifié. On avait vu la semaine dernière que on sacrifie la bête après que la prière ait été accomplie. Après que la prière ait été accomplie. Car dans le madhhab de l'imam Shafi'i, ils disent qu'il faut attendre que l'heure de la prière qui s'étale jusqu'au dhuhr soit dépassée pour pouvoir sacrifier sa bête. Et non pas comme le madhhab de l'imam Malik, qui disent que tu dois égorger ta bête qu'après que l'imam est égorgé. Il faut d'abord attendre que l'imam est égorgé pour égorger. Cela est contraire au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais que l'heure du sacrifice commence dès que la prière est terminée, comme c'est le madhhab de l'Hanafiyya et de l'Hanabila. De même que ce hadith est une preuve sur le fait qu'il est légiféré de dire Bismillah lorsque l'on sacrifie une bête. خلاف العلماء ذهب أبو حنيفة ومالك والثوري إلى أن الأضحية واجبة على الموسر لقوله تعالى فصل لربك وانحر وذهب الجمهور إلى أنها سنة مؤكدة والأولى عدم تركها لمن قدر عليها لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. La divergence des savants. L'imam Abu Hanifa, l'imam Malik et l'imam Al-Thawri, rahimahumullah, sont de l'avis que la bête à sacrifier le jour de l'Aïd est une obligation pour la personne qui est aisée. Car Allah Azza wa Jal a dit, dans sourate Al-Kawthar, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ et prie pour ton Seigneur et sacrifie. Et Mufassirin disent que cela concerne la prière de l'Aïd et le sacrifice de l'Aïd. Et la majorité des savants sont de l'avis que c'est une sunna fortement recommandée. Et Cheikh al-Bassam, rahimahullah, dit, et le mieux est de ne pas délaisser le sacrifice de la udhiya, de la bête, le jour de l'Aïd, pour celui qui a la possibilité de le faire. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a la possibilité et qui ne sacrifie pas, qu'il n'approche pas notre lieu de prière. Et le hadith est authentique, rapporté par l'imam Ibn Majah et l'imam Ahmad, rahimahumallah. ثم قال المؤلف رحمه الله الحديث الحادي والأربعون بعد المئة le 141e حديث عن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة ثم قام متكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال يا معشر النساء تصدقن فإن كن أكثر حطب جهنم فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت لما يا رسول الله قال لأن كنا تكثرن الشكاة وتكفرن العشير قال فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن رواه البخاري ومسلم. Le 141e hadith, qui est le hadith de Jabir radiallahu anhu. Il dit, j'ai assisté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de l'Aïd. Il a commencé par la prière avant le discours, sans faire d'appel à la prière ni d'iqama, sans azan et sans iqama. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé en s'appuyant sur Bilal. Il a alors ordonné de craindre Allah azza wa jal. Et il a encouragé à lui obéir. Il a exhorté les gens et leur a fait un rappel. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué jusqu'à se rendre chez les femmes. Il les a exhortées et leur a fait un rappel. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, ô vous les femmes, donnez en aumône, car vous êtes le plus grand combustible de l'enfer. Et vous savez que le combustible de l'enfer sont les hommes et les pierres. une femme s'est levée au milieu des femmes, elle était au milieu, elle s'est levée. Safa ul khaddain. Elle avait les joues foncées par rapport à la couleur du reste de son corps. Faqalat, et elle a dit, pourquoi, ô envoyé d'Allah? Pourquoi, autrement dit, pourquoi sommes-nous le combustible de l'enfer, le plus grand combustible de l'enfer? Qala, le professeur Hassan a dit, car vous vous plaignez beaucoup et vous êtes non reconnaissante envers le mari. Et Jabir radiallahu anhu a dit, les femmes se sont mises alors à donner en aumône de leurs bijoux et elles jetaient dans le vêtement de Bilal leurs boucles d'oreilles ainsi que leurs bagues. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Al-Gharib. Citat al-Nisa bi kasri al-Sin wa fathi al-Ta' al-Mukhaffafa. أي جالسة وسطهن سفعاء الخدين قال في المحكم السفع السواد والشحوب ثالثا الشكات هي بفتح الشين والقصر بمعنى الشكاية وهي الشكوى رابعا أقراطهن وجمع قرط بضم القاف وهو ما يعلق بشحمة الأذن خامسا متوكئا متحاملا سادسا حث حرض سابعا لما أصله لما وحذفت الألف من ما الاستفهامية بسبب اللام ثامنا الحلي جمع حلي وهو ما يتخذ للزينة من المعادن الكريمة. Donc les termes qui méritent explication dans le hadith, Sitat al-Nisa. Parce que Jabir radiallahu anhu a dit qu'une femme, min Sitat al-Nisa, c'est-à-dire qui était assise au milieu des femmes. Safa'u al-Khaddain, as-Safa'u, c'est-à-dire la noirceur. Et as-Shuhub, c'est un teint cireux. Et d'autres savants ont dit, comme l'imam Ibn Daqiq al-Aïd, rahimahullah ta'ala, a dit, al-asfa' ou al-saf'a, man asaba khaddahu lawnun mukhalifun lawnahu al-asli. Que al-saf'u, c'est d'avoir les joues d'une couleur différente de la couleur du corps. Une couleur de la joue qui tend vers le noir ou autre couleur. Al-shakah, tukthirna al-shakah, c'est-à-dire, c'est les plaintes. Vous plaignez beaucoup. Aqratihin, c'est le jam' de qurut. Et al-qurut, en arabe, ce sont les boucles d'oreilles. C'est le bijou qui est accroché à la lobe de l'oreille. Et al-huli, qui est le jam' de huli, ce sont les bijoux. C'est ce qui est porté comme métaux précieux pour s'embellir. C'est ça un bijou, c'est ce qui est porté comme matériau précieux pour s'embellir. Al-ma'na al-ijmali, le sens général du hadith. Salla an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bi ashabihi salat al-eid bila adhan laha wa la iqamah. Falamma faragha min as-salat khatabahum fa amarahum bi taqwa Allah bi fi'l al-awamir wa ijtinab an-nawahi wa luzum ta'ati Allah fi as-sirr wa al-alaniyah wa an yatadhakkaru wa'da Allah wa wa'idah li yatta'idhu bir-rahbati war-raghbah. ولكون النساء في معزل عن الرجال بحيث لا يسمعن الخطبة وكان حريصا على الكبير والصغير رؤوفا بهم مشفقا عليهم اتجه إلى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وخصهن بزيادة موعظة وبين لهن أنهن أكثر أهل النار وأن طريق نجاتهن منها الصدقة لأنها تطفئ غضب الرب فقامت امرأة جالسة في وسطهن وسألته عن سبب كونهن أكثر أهل النار ليتداركن ذلك بتركه فقال لأن كن تكثرن الشكاة والكلام المكروه وتجحدن الخير الكثير إذا قصر عليكن المحسن مرة واحدة ولما كان نساء الصحابة رضي الله عنهم سابقات إلى الخير وإلى الابتعاد عما يغضب الله أخذن يتصدقن بحليهن التي في أيديهن وآذانهن من الخواتم والقروط يلقين ذلك في حجر بلال محبة في رضوان الله وابتغاء ما عنده. Chant général du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié, a présidé la prière devant ses compagnons, la prière de l'Eid, sans adhan et sans iqamah. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé sa prière, il a exhorté ses compagnons radiyallahu anhum, leur a ordonné de craindre Allah azza wa jal en accomplissant les ordres et en s'abstenant des interdits et en obéissant à Allah azza wa jal en secret comme en public et de se rappeler la promesse d'Allah ainsi que son châtiment. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a exhortés par ar-rahbatu wa ar-raghba, et c'est la définition de raghba de al-maw'idha, c'est le fait d'exhorter les gens en leur faisant peur et en les faisant espérer, en faisant peur du châtiment d'Allah et en les faisant espérer la miséricorde et la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parce que les femmes étaient à l'écart des hommes, au point qu'elles n'ont pas entendu la khutbah, et parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était soucieux du grand comme du petit, et avait de la compassion envers eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé vers les femmes, accompagné de Bilal. Il a alors exhorté les femmes, il leur a fait un rappel et leur a donné un conseil particulier, un conseil supplémentaire à ce qu'il avait déjà dit dans son exhortation, sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a dit qu'elles font partie du plus grand nombre des gens de l'enfer. Et que la voie qui leur permettra d'en être épargnés, c'est l'aumône. Car l'aumône éteint la colère d'Allah. Une femme qui était assise au milieu des femmes s'est alors levée et a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le pourquoi est-ce qu'elles font partie du plus grand nombre des gens de l'enfer ? Afin qu'elles s'abstiennent de la raison que citera le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit « Car vous vous plaignez beaucoup et vous dites des paroles détestables et vous reniez le bien immense » lorsque le bienfaisant fait un manquement une seule fois. Et ici, le bienfaisant, le plus, celui qui est le plus concerné par ce hadith, c'est le mari. Car vous reniez le grand bien que fait pour vous le bienfaisant lorsqu'il commet un manquement une seule fois. Et parce que les femmes des compagnons radiallahu anhum s'empressaient et se concurrençaient dans le bien, et s'empressaient et se concurrençaient dans l'éloignement, dans ce qui éloigne de la colère et du courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala, elles ont alors donné en aumône de leurs bijoux, les bijoux qu'elles portaient dans leurs mains et dans leurs oreilles, comme bagues et boucles d'oreilles qu'elles jetaient dans le juron de Bilal. Elles jetaient dans le juron de Bilal, et dans le hadith « Fi thawb Bilal » car Bilal radiallahu anhu avait relevé son qamis, comme le font ceux qui récoltent. Et donc, elles jetaient les bijoux dans l'espèce de sacoche qu'avait fait Bilal en relevant son qamis. Et ceci, elles ont donné en aumône tout ceci en espérant, par amour pour Allah Azza wa Jal, et en espérant une récompense de sa part, subhanahu wa ta'ala. Ma yu'khadhu min al-hadith, ce qu'on retient du hadith. Awwalan, al-bada'atu bi salati al-eid qabla al-khutbah wa taqaddam. Premièrement, on retient de ce hadith de commencer par la prière de l'Eid avant la khutbah. فَبَدَأَ بِالصَّلَاتِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. Et ceci a déjà été expliqué précédemment. ثَانِيًا أَنَّهُ لَيْسَ لِصَلَاتِ الْعِيدِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ. Deuxièmement, qu'il n'y a pas pour la prière de l'Eid ni de أذان ni de إِقَامَةٌ. ثَالِثًا إِسْتِحْبَابُ كَوْنِ الْخَطِيبِ قَائِمًا. Troisièmement, qu'il est préférable que le khatib, que l'imam, le prêcheur, l'exhortateur, se positionne debout. Car Jabir radiallahu anhu a dit « Thumma qam ». Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé, c'est-à-dire après avoir accompli la prière. « Rabi'an, an ya'mur al-khatibu bi taqwa Allah ta'ala » التي هي جماع فعل الأوامر وترك النواهي مجملا ثم يفصل من ذلك ما يناسب المقام. Quatrièmement, que l'imam doit ou le prêcheur doit ordonner aux gens de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, qui est de faire l'ensemble des ordres et de délaisser l'ensemble des interdits. Puis il peut préciser en fonction du besoin des gens. Leur dire, craignez Allah, obéissez à Allah et appliquez ses ordres, délaissez ses interdits, puis s'ils voient que les gens font un péché particulier ou qu'ils ont besoin qu'on leur fasse une exhortation sur un ordre particulier ou sur un péché particulier, alors qu'ils le fassent. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a adressé aux femmes un conseil général ou particulier. خامسا تذكيرهم بلزوم التقوى والطاعة لله بذكر الوعد والوعيد فالمقاصد التي ذكرت في الحديث من الأمر بتقوى الله والحث على طاعته والموعظة والتذكير هي مقاصد الخطبة وقد عدها بعض العلماء أركان الخطبة الواجبة. Donc, cinquièmement, de rappeler aux gens la crainte d'Allah, la piété et l'obéissance à Allah Azza wa Jal en leur citant les promesses et les menaces. Car les buts qui ont été cités dans ce hadith, comme d'ordonner la piété, d'ordonner l'obéissance à Allah Azza wa Jal, l'exhortation, le rappel, tout ceci sont les buts de la khutbah. Et certains savants ont considéré cela comme étant un rukn, comme étant des piliers de la khutbah. Que toute khutbah de l'Eid doit comporter l'ordre de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, l'ordre d'obéir à Allah azza wa jal, d'exhorter les gens et de leur faire un rappel. Car tout ceci a été cité dans le hadith de Jabir radiallahu anhu. فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ. Il leur a fait une exhortation, il leur a fait un rappel. فَأَمَرَهُمْ فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهُ وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ. Il a ordonné d'être pieux vis-à-vis d'Allah et de lui obéir. Donc tout ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait dans sa khutbah. Sadisan, ifradun nisa'i bimaw'idah. إذا كنا بعيدات لا يسمعن الوعظ أو كنا محتاجات لتذكير يخصهن. Sixièmement, de préciser ou de consacrer aux femmes une exhortation particulière si elles sont loin et qu'elles n'entendent pas l'exhortation, ou de leur diriger une exhortation précise lorsqu'elles ont besoin d'un sujet particulier. Sabi'an, anna an-nisaa kunna yakhrujna ila salati al-eid fi ahd an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Septièmement, le retient de ce hadith, que les femmes sortaient pour la prière de l'eid au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Thaminan, أن يتنحين عن الرجال ولا يخالطنهم في المساجد ولا غيرها. Huitièmement, on retient de ce hadith que les femmes doivent être tenues à l'écart des hommes et ne doivent pas être mélangées aux hommes dans les mosquées ni dans les autres endroits que les mosquées. Car si il n'est pas autorisé aux femmes de se mélanger aux hommes dans les mosquées, qui sont les endroits les plus aimés d'Allah Azza wa Jalla, eh bien, il est encore moins autorisé, ou il est encore plus interdit qu'elles se mélangent aux hommes dans les autres endroits. Tasi'an, neuvièmement. كون النساء أكثر الناس دخولا في النار بسبب شكواهن وبسبب كفرهن نعم الأزواج والمحسنين إليهن. Neuvièmement, que les femmes sont parmi les gens celles qui entreront le plus en enfer à cause de leurs plaintes et à cause de leur ingratitude ou de leur ingratitude envers les bienfaits de leurs maris et de ceux qui sont bienfaisants envers elles. عاشرا إن الكلام الفاحش وكفر النعم سبب في دخول النار. Dixièmement, les paroles malsaines et le fait de ne pas être reconnaissant envers les bienfaits sont des causes qui font entrer en enfer. Les paroles malsaines, car en général, les gens qui se plaignent, est-ce qu'elles profèrent des paroles douces et agréables à entendre? Non. Illa man rahim Allah. 11. Inna as-sadaqata min asbab an-najat min adhab Allah. Onzièmement, on retient de ce hadith que l'aumône fait partie des causes qui préserve et qui protège du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. 12. مخاطبة نساء الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يهمهن أمره. 12. Il y a la preuve que les femmes des compagnons radiyallahu anhum s'adressaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les choses qu'ils trouvaient importantes, dans les choses qui les concernaient. 13. فقه نساء الصحابة وفهمهن لأن هذه المتكلمة لما قال لهن النبي صلى الله عليه وسلم إنهن أكثر أهل النار فهمت أن هذا ليس ظلما من الله وحاشاه وإنما بسبب الذنوب، فسألت عن هذا السبب الموجب لهن ذلك. Troisièmement, on retient de ce hadith le fiqh des femmes, des compagnons radiallahu anhun, et leur compréhension avancée. Car celle qui s'est adressée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit qu'elle ferait partie du plus grand nombre des gens de l'enfer, cette femme a compris que cela n'était pas une injustice de la part d'Allah. Que si les femmes sont celles qui seront les plus nombreuses en enfer, cela n'est pas une injustice d'Allah envers eux, envers elles, et qu'Allah en soit exempté, mais à cause de péché. Ainsi, cette femme a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour connaître la cause exacte qui fait entrer les femmes en enfer. رابع عشر مبادرتهن إلى فعل الخير إذ أسرعن إلى الصدقة رغبة ورهبة من الله. Quatorzièmement, l'empressement des femmes, des compagnons رضي الله عنهم à faire le bien, lorsqu'elles se sont empressées toutes à donner en aumône de leurs bijoux, ceci en espérant la récompense d'Allah et en espérant être épargné du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Salam. خامس عشر أن المرأة الرشيدة تتصدق من مالها بغير إذن زوجها وهو قول جمهور العلماء. Quinzièmement, que la femme الرشيدة qui est correcte, c'est-à-dire qui a toute sa raison, a le droit de donner en aumône de ses biens sans l'accord de son mari. Et c'est l'avis et c'est la parole de la majorité des savants. Car ces femmes étaient dans la musalla. Elles étaient dans l'endroit réservé à la prière de l'Eid. Et elles étaient éloignées des hommes. Et elles ont donné en aumône de leurs bijoux sans au préalable avoir demandé l'autorisation à leur mari. Donc les savants disent qu'une femme qui a toute sa raison a le droit de donner en aumône de son argent sans au préalable de demander l'autorisation à son mari. سادس عشر أخذ منه جواز ثقب الأذن للمرأة. Seizièmement, et c'est le dernier point, on retient de ce hadith l'autorisation pour les femmes de se percer les oreilles. Car les femmes des compagnons radiallahu anhum ont donné en aumône de leur boucle d'oreille. Al-hadith al-thani wal-arba'un ba'd al-mi'ah. Le 142e hadith. An ummi atiyyata نسيبة الأنصارية رضي الله عنها قالت أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها وحتى نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. رواه البخاري. وفي لفظ لا ديزينفيرسون سي البخاري. Le premier, c'est le Bukhari Muslim, et la version qui a été citée est une version présente uniquement dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Selon Atiyyah Nusaybah al-Ansariyah, qu'Allah soit agréé d'elle, elle dit, il nous a ordonné, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sortir lors des deux fêtes al-awatiq, de sortir lors des deux fêtes al-awatiq et zawat al-khudur. Et on va expliquer ce que signifie al-awatiq et zawat al-khudur. Al-awatiq, ce sont les femmes jeunes qui n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté. Et zawat al-khudur, ce sont les femmes à qui l'on consacre une pièce particulière dans la maison, et ce sont en général des filles qui sont encore vierges. Wa amara, et il a ordonné aux femmes indisposées de s'abstenir, de se mettre à l'écart de l'endroit où prient les musulmans. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans une version, on nous ordonnait de sortir le jour de l'Aïd, jusqu'à sortir la Vierge de sa chambre, et jusqu'à sortir la femme indisposée, afin qu'elle proclament le takbir avec leur takbir, c'est-à-dire avec le takbir des musulmans, et qu'elles invoquent avec leurs invocations, c'est-à-dire des musulmans, en espérant la bénédiction de ce jour et sa purification. En espérant la bénédiction de ce jour et sa purification. Gharib al-hadith, al-awatiq jam'u atiq al-mar'atu ash-shabatu awwal ma tablugh. ثانيا ذوات الخدور جمع خدر بكسر الخاء المعجمة أي سترها وهو جانب من البيت يجعل عليه سترة يكون للجارية البكر ثالثا يدعون ويرجون الواو في هذين الفعلين من أصل الفعل وليست واو جماعة رابعا حتى نخرج حتى الأولى للغاية وحتى الثانية للمبالغة خامسا طهرته أي حصول تطهير الذنوب فيه. Les termes qui méritent explication, donc al-awatiq, qui est le pluriel de atiq, c'est donc la femme jeune qui vient qui vient d'atteindre la puberté. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ou qui n'a pas atteint la puberté? Qui vient d'atteindre la puberté. Donc al-awatiq, ce sont les jeunes femmes qui viennent d'atteindre la puberté. Deuxièmement, zawat al-khudur, qui est le pluriel de khidr, qui est une pièce située dans un coin de la maison, une pièce qui est recouverte ou dont l'entrée est recouverte d'un rideau, et ce sont en général les filles vierges qui sont les petites filles vierges qui entrent et qui résident dans cette chambre. Yad'ouna wa yarjoun, donc ici le shir dit que le waw ici ce n'est pas le waw du pluriel, mais c'est le waw qui fait partie du verbe. Quand tu dis rajulun yad'ou, est-ce qu'il y a un waw ou pas? Rajulun yad'ou. Donc ici c'est un waw qui fait partie du verbe, alors que c'est qu'un seul homme qui invoque. Donc cela prouve que ce waw n'est pas un waw de al-jama'ah. Hatta nukhrij. Donc ici, dans la deuxième version de Bukhari, lorsque Mu'atiyya radiallahu anha a dit, on nous ordonnait de sortir le jour de l'Aïd jusqu'à sortir la Vierge de sa chambre, jusqu'à sortir la femme indisposée. Le premier jusqu'à, hatta, montre le al-ghaya. Et le deuxième montre l'insistance. C'est-à-dire que on nous ordonnait à nous les femmes de sortir au point de demander que la Vierge dans sa chambre sorte, au point même qu'on demandait à la femme indisposée de sortir. Donc c'est al-mubalara, le fait de montrer à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam insisté sur le fait que les femmes devaient se rendre dans l'endroit où les musulmans priaient et que les femmes indisposées devaient se mettre à l'écart de cet endroit, mais elles devaient quand même venir pour assister à ce rassemblement et à profiter des bénédictions de ce jour. Donc, en espérant la bénédiction de ce jour et sa purification, c'est-à-dire de bénéficier ce jour-là de la purification des péchés. المعنى الإجمالي لسان جنرال دو حديث يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى من الأيام المفضلة التي يظهر فيها شعار الإسلام وتتجلى أخوة المسلمين باجتماعهم وتراصهم كل أهل بلد يلتمون في صعيد واحد إظهارا لوحدتهم وتآلف قلوبهم واجتماع كلمتهم على نصرة الإسلام وإعلاء كلمة الله وإقامة ذكر الله وإظهار شعائره فيحل بهم من ألطاف الله وينزل عليهم من بركاته ويشملهم من رحمته ما يليق بلطفه وجوده وإحسانه لذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على الخروج حتى على الفتيات المخدرات والنساء الحيض على أن يكن في ناحية بعيدة عن المصلين ليشهدن الخير ودعوة المسلمين فينلن من خير ذلك المشهد ويصيبهن من بركته ما هن في أمس الحاجة إليه من رحمة الله ورضوانه. Donc le sens général du hadith, le jour de l'Eid, le jour de l'Eid al-Fitr et le jour de l'Eid al-Adha font partie des jours méritoires dans lesquels les emblèmes de l'islam sont apparents et dans lesquels se manifeste la fraternité des musulmans et leur rassemblement. Chaque ville où chaque habitant d'une ville font halte dans une seule et même place pour montrer leur unité et pour rapprocher leur cœur et pour que leurs paroles soient réunies pour donner victoire à l'islam et pour élever la parole d'Allah et pour évoquer le nom d'Allah et faire montrer ses emblèmes. Ainsi, ils bénéficient ce jour-là de la clémence d'Allah et descend sur eux la bénédiction d'Allah. Et ils bénéficient également de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fortement conseillé de sortir pour se rendre à cet endroit. Il a même demandé aux petites filles vierges qui d'habitude sont dans leur chambre et aux femmes indisposées, à condition qu'elles se mettent à l'écart de l'endroit de la prière, afin qu'elles assistent à ce bien et à l'invocation des musulmans pour profiter du bien de ce rassemblement et bénéficier de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, car elles sont dans le besoin de celle-ci, elles sont dans le besoin de la bénédiction d'Allah, de sa miséricorde et de son agrément. اختلاف العلماء اختلف العلماء في حكم صلاة العيد فذهب الإمام أحمد في المشهور عنه إلى أنها فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين ودليله على هذا القول أنها صلاة لم يشرع لها أذان ولا إقامة فلم تجب على الأعيان وحديث الأعرابي الآتي يدل على أنه لا يجب فرض عين إلا الصلوات الخمس. La divergence des savants. Les savants ont divergé sur le jugement de la prière de l'Eid. L'imam Ahmed, dans ce qui est le plus diffusé, le plus connu de lui, rahimahullah, est que la prière de l'Eid est une obligation qui est un fard kifai. Lorsque une partie des musulmans l'accomplit, eh bien l'obligation est exemptée pour les autres. Et sa preuve est que pour cette prière, il n'est légiféré ni adhan ni iqama. Ainsi, elle n'est pas obligée pour chaque musulman. Qui aurait pu trouver cet argument? On appelle la prière obligatoire, la prière de Jama'a, on appelle à la prière. Et parmi les arguments des savants, même un argument fort que le prophète a dit, même à l'aveugle, Atasma'un nida, est-ce que tu entends le rap, est-ce que tu entends l'azan, qu'est-ce qu'il a dit? Oui, le prophète lui a dit, Idan, ajib. Donc, réponds à cet appel. Mais ici, dans un tel aïd, il n'y a pas ni d'azan, ni de iqama. Donc, c'est une des preuves de l'imam Ahmad pour dire que la prière de l'aïd est une obligation qui incombe à une partie des musulmans uniquement. Et pour preuve également le hadith de l'Arabi, que beaucoup de savants utilisent, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à cet homme que seulement 5 prières lui étaient obligatoires. وذهب مالك والشافعي في المشهور عند أصحابه إلى أنها سنة مؤكدة ودليلهم على هذا حديث الأعرابي الذي ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أن عليه 5 صلوات قال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع. L'avis de l'imam Malik et de l'imam Shafi'i est que c'est une sunna mu'akkada, que la prière de l'Aïd est une sunna fortement recommandée. Et la preuve est le hadith de l'Arabi du Bédouin où dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à ce Bédouin qu'il devait accomplir 5 prières obligatoires. Puis, ce Bédouin a dit, هل علي غيرهن? Est-ce que il y a d'autres prières qui me sont obligatoires? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit non, sauf si tu fais des choses surérogatoires. Sauf si, de ton propre gré, tu fais des prières surérogatoires. Et donc, ils ont utilisé ce hadith pour dire que seules les prières obligatoires sont, les 5 prières obligatoires sont imposées et le reste ne l'est pas. Et parmi le reste des prières, il y a salatu al-aïd. وذهب أبو حنيفة وروى عن الإمام أحمد وروي عن الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنها فرض عين واستدلوا على ذلك بقوله تعالى فصل لربك وانحر وقد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. في بعض أقوال المفسرين أن المراد بالصلاة في هاتين الآيتين صلاة العيد ولأمره بخروج العواتق والمخدرات وأمرهم بصلاتها من الغد حين لم يعلموا برؤية الهلال إلا بعد انتهاء وقتها والأمر في كل هذه الأدلة يقتضي الوجوب وكذلك مداومته عليها وخلفاؤه من بعده. أما حديث الأعرابي فليس فيه ما يدل على عدم وجوبها لأن سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم وإجابته إياه بصدد ما يتكرر في اليوم والليلة من الصلوات المفروضات لا ما يكون عارضا لسبب كصلاتي العيدين اللتين هما شكر لله تعالى على توالي نعمه الخاصة بصيام رمضان وقيامه ونحر البدن وأداء المناسك. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يميل إلى وجوبها على النساء لظاهر حديث هذا الباب. L'avis de l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, et une autre version de l'imam Ahmed, et c'est l'avis que choisit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, que la prière de l'Aïd est une obligation pour chaque musulman. Et ils ont pour preuve la parole d'Allah Azza wa Jal, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ. Le deuxième verset de Surat al-Kawthar, et prie pour ton Seigneur et sacrifie. Et prie pour ton Seigneur, ici on a dit que selon certains exégèses, c'est la prière de l'Aïd. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّ. Également, les versets 14 et 15 de Sourate Al-A'la, il connaîtra la victoire où il a gagné celui qui se purifie, évoque le nom de son Seigneur et prie. Ici aussi, selon certains mufassirines, il s'agit de salat al-Eid. Et parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux jeunes femmes qui venaient d'atteindre la puberté, de même qu'aux jeunes filles vierges, de sortir pour accomplir la prière. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, a ordonné que l'on fasse la prière de l'Eid lorsqu'ils ont eu l'information de l'apparition de la lune une fois que l'heure de l'Eid soit passée. Ceci est arrivé en hadith authentique où des compagnons ont informé au prophète Rasim qu'ils avaient vu la lune, la nouvelle lune de Shawwal, la nouvelle lune de Shawwal. Donc ici ça concernait Eid al-Fitr, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où les compagnons sont venus informer au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils ont vu la nouvelle lune de Shawwal. Mais quand est-ce qu'ils ont informé? Bien après que l'heure de dhuhr soit passée. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'on fasse la prière de l'Eid le lendemain. Ceci prouve que c'était une obligation, car si ce n'était pas une obligation, le professeur Hassan n'aurait pas demandé à ce qu'on la refasse, à ce qu'on la fasse le lendemain. Et l'ordre du professeur Hassan dans toutes ses preuves montre l'obligation. Et également, ce qui montre l'obligation, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons et ceux qui lui ont succédé, n'ont jamais délaissé la prière de l'Aïd. Quant au hadith du Bédouin, ce n'est pas une preuve que la prière de l'Aïd, il n'y a pas dans ce hadith la preuve que la prière de l'Aïd n'est pas obligatoire. Car ce Bédouin a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu sur ce qu'il devait faire le jour et la nuit comme prière obligatoire. Et non pas sur ce qui pourrait être accompli comme prière pour telle ou telle cause. Donc ça peut être pour la cause de l'Aïd, ou ça peut être également pour la cause de... Non, Jum'a, non. Jum'a, le verset est clair. Mais par exemple, sur l'éclipse, la prière de l'éclipse, la prière de la pluie, etc., etc. Ce sont des prières qui sont faites occasionnellement lorsqu'il y a une raison bien particulière. Et parmi ces prières, il y a les deux prières de l'Aïd qui sont deux prières accomplies en guise de reconnaissance à Allah Azza wa Jal de par les bienfaits particuliers dont il nous a comblés, comme le fait d'accomplir le jeûne du Ramadan et de prier la nuit de ce mois, de sacrifier la bête et également de remercier Allah Azza wa Jal d'avoir accompli les rites du pèlerinage. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah tend même vers l'obligation de la prière de l'Aïd, même pour les femmes, en prenant le hadith dans son sens apparent. Ma yukhadhu min al-hadith, ce que l'on retient du hadith. أولا وجوب صلاة العيد حتى على النساء في ظاهر الحديث على شرط أن لا يخرجن متبرجات متعطرات لورود النهي عن ذلك ولعله مستحب في حقهن ويكون أمرهن من باب الحض على فعل الخير. Premièrement, ce que l'on retient du hadith, c'est l'obligation de la prière de l'Aïd, même pour les femmes, selon ce qui apparaît du hadith, à condition qu'elles ne sortent pas dévêtues et parfumé, car il y a un hadith qui leur interdit cela. Et il est possible que cela soit pour elles préférable, et que l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une forte recommandation à faire le bien. Thaniyan, wujub ijtinab al-ha'id al-masjid li'alla tulawithah. Deuxièmement, on retient de ce hadith l'obligation pour la femme indisposée de ne pas se rendre à la mosquée afin de ne pas la souiller. Car le professeur Hassam a demandé à la femme indisposée de se mettre à l'écart de l'endroit où les musulmans prient dans Al-Musalla. Et on verra par la suite, sûrement la semaine prochaine, qu'il y a une divergence des savants sur Musalla Al-Aïd, sur l'endroit dans lequel l'on prie Al-Aïd, car la sunna c'est de ne pas prier Al-Aïd dans dans la mosquée, mais dans un terrain vaste qui permet d'accueillir le plus grand nombre de musulmans possible. Et certains savants ont donné à la Moussala de l'Aïd le jugement de la mosquée. Thaniyan, et c'est le troisième point que cite Cheikh al-Bassam, rahimahullah, Thalithan, inna Moussala l'Aïd lahu hukmul masajid. Troisièmement, que la Moussala de l'Aïd a le jugement des mosquées. A le jugement des mosquées. Car ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à la femme à disposer de s'approcher de l'endroit où les musulmans prient le jour de l'Aïd. Donc ils ont déduit que cet endroit avait le même jugement que la mosquée, et entre autres que celui qui se rend à la Moussalla doit prier de raka'at, selon l'avis des savants qui considèrent la Moussalla de l'Aïd comme étant une mosquée. Avec les haliens divergents et savants, je vous citerai dans les détails les preuves et les différents savants qui considèrent que Moussalla al-Aïd fait partie ou est considéré comme une mosquée, et les autres savants qui ne considèrent pas Moussalla al-Aïd comme étant une mosquée. Rabi'an, inna al-ha'idha ghayru mamnu'ati min ad-du'a'i wa dhikrillah. Quatrièmement, on retient de ce hadith que la femme indisposée, on ne lui interdit pas d'invoquer et d'évoquer le nom d'Allah, d'invoquer Allah et de prononcer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Khamisan, fadlu yawmi al-eid wa kawnihi marjouwan li-ijabati al-du'a wa sama'i al-nida'i min al-ali al-a'la. Et cinquièmement, on retient de ce hadith le mérite du jour de l'eid et le fait que c'est un jour dans lequel l'on espère que les invocations soient exaucées de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa naktafi bihadha al-qadr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.